Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, hafidhullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم تمام فأجيب عن الأسئلة من الدرس السابق donc question du cours précédent. يقول السؤال الأول كم طالبا في فصل أحمد. Alors, fiha, tisa. La fi. Fihi, tisa atarachar, tisa atarachar taliban. Non. ثانياً كم طالباً في فصل علي؟ فيه 14 طالباً. من أطول طالب في فصل أحمد؟ إنه إبراهيم. لا. إنه إبراهيم. نعم. رابعاً ومن أطول طالب في فصل علي؟ إنه حامد. الآن ضع هذه العلامات الخط أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامات الصليب أمام الجمل التي ليست صحيحة. أولا الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة. Donc le nouvel étudiant qui est arrivé hier s'appelle أسامة. صحيح. نعم. حامد في فصل أحمد. حامد dans la classe de أحمد. ليس صحيح. المرجع الثاني غرفه أوسع. Le deuxième dortoir a des plus grandes chambres. ثامن. ليس الثاني. ثامن نعم. ليس صحيح. نعم. المرجع الثامن أبعد من المرجع الخامس. Le deuxième dortoir est plus éloigné que le cinquième. طيب. Et donc, ايش كنا غير ذلك اليوم؟ التمرين الخامس. نعم. اقرا الأمثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم تفضيل. تمام. الجملة الأولى هذه غرفة صغيرة. بيتنا. كيف تقول؟ هذه أصغر غرفة في بيتنا. لا. أصغر وش؟ أصغر غرفة. نعم. C'est la plus petite chambre dans notre maison. بلال جار حسن في حينا. بلال أحسن جار في بيت في حينا. نعم. بلال meilleur voisin dans notre quartier. ياسر رجل فقير في قريتنا. ياسر أقصر رجل في قريتنا. أشو؟ أقصر. لا. ياسر رجل فقير. أفقر. نعم. رجل في قريتنا. نعم. ياسر pauvre. الأمر pauvre de notre village. هذه ساعة رخيصة في السوق. هذه أرخص ساعة في السوق. C'est la monta moins chère de tout le marché. هذا درس سهل في الكتاب. هذا أسهل درس في الكتاب. نعم، c'est le cours plus facile dans le livre, du livre. الدكتور زكريا طيب طبيب شهير في بلدنا. الدكتور زكريا أشهر طبيب في بلدنا. نعم، الدكتور زكريا est le médecin le plus célèbre dans notre pays, dans notre contrée. الأزهر جامعة قديمة. في العالم. الأزهر أقدم جامعة في العالم، لكنها جامعة الحزبيين. مبتدعة، نعم. نعم. على الأسف. Donc l'Azhar est l'université la plus ancienne dans le monde. الأستاذ نعمان مدرس حسن في المدرسة. الأستاذ نعمان أحسن مدرس في المدرسة. نعم. L'enseignant Norman est le meilleur enseignant dans l'école. ذلك درس صعب في الكتاب. ذلك أصعب درس في الكتاب. نعم. C'est le cours le plus difficile du livre. هذا فصل واسع في الكلية. هذا أوسع فصل في الكلية. نعم. C'est la classe la plus grande dans la faculté, la section. كان يوجد شيء آخر؟ نعم. مع العدد التاسع؟ نعم. إكرام يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Donc il veut que tu écrives avec les noms, le nombre avec les lettres. في الفصل 19 طالبا. طالبا نعم. مع الكلاس 19 étudiants. نعم. عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية. نعم. J'ai 15 livres en langue arabe et 12 livres en langue française. رأى يوسف. رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. نعم. يوسف a vu en rêve عليه السلام 11 planètes. رابعا. عندي 20 ريالا. نعم. J'ai 20 ريال. خامس. كم فنادقا؟ نعم. كم فندقا؟ نعم. في هذا الشارع. شارع. في هذا الشارع فيه 13 فندقا. نعم. كم يأتيل دوتيل dans cette rue؟ Il y a 13 hôtels. Sadisan. في هذه المدينة 14 مسجدا. نعم. Dans cette ville 14 مسجد. سابعا. ثمن هذا الكتاب 17 ريالا. نعم. Le prix de ce livre est de 17 ريال. ثامنا. في هذا الكتاب 20 درسا. نعم. Il est dans ce livre 20 cours, 20 leçons. تاسعا. في السنة 12. واش قلت؟ في السنة نعم. 12 شهرا. نعم. Il est dans l'année 12 mois. طيب اسم التفضيل يفين سور كل وزن كل مزيور أفعل نعم هل كي بوان تنوين لا ممنوع من الصرف نعم ممنوع من الصرف Et lorsqu'il est entre deux choses comparées, c'est quoi sa forme féminine ? Lorsqu'il est entre deux choses. Comment tu dis par exemple, pour te comparer entre deux femmes, que l'une est plus grande que l'autre ? Comment tu dirais ? الخطا في الحركات اكبر نعم هذه المراه اكبر من تلك نعم اذا كنا هذه المراه اكبر من تلك إن المبتدا إن الخبر. هذه المرأة هذه مبتدا. نعم. الخبر إنه يدل الخبر. أكبر. أكبر. نعم. ممكن مرفوع. طيب. comment s'appelle le dénombré après l'adad murakkab, après les chiffres assemblés comme ahada achar, tisata achar, sabata achar? Tamiz. Tamiz, nam. Tamiz wa mufrad mansub nakira. Tayyib. سندخل في الدرس الرابع. وهذا الدرس يتعلق بتصريف الفعل. Il y a encore un lien avec le fait de conjuguer un verbe au passé, chose qui a déjà été prise dans Kitab Awal, donc qui ne sera pas dur. Et également, il rapporte une nouvelle sorte de inna qui est anna. طيب انت يوسف وانا ابراهيم تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا اخي، كيف حالك؟ لعلك بخير. الحمد لله. اين ابوك يا ابراهيم؟ نعم. دونك يوسف دي الحمد لله دوز فراز سون شالا سون كومبريز. On avait déjà dit que Arin wa Sahlan wa Marhaban, c'est une formule pour souhaiter la bienvenue. Donc Youssouf dit Alhamdulillah, l'ange de Allah, Ina abouka ya Ibrahim, où est ton père, ou Ibrahim? Ibrahim yakoul, Zahaba il est souk, il est parti au marché. Wa aina ummuk? Où est ta mère? Ibrahim yakoul, Zahabat il est khalati Zainab. Donc Ibrahim dit, elle est partie chez ma tante Zainab. Wa aina ikhwatuk? Et Youssouf dit, où sont tes frères? Ibrahim Yakoul, Zahabou il al Jamia. Ils sont partis à l'université. Donc il dit, et où sont tes sœurs? Ibrahim Yakoul, Zahabna il al Madrasa. Elles sont parties à l'école. Donc Youssouf dit, n'as-tu pas été à l'école aujourd'hui? Ibrahim Yakoul, Bala, Zahabtu, Warajatu, Badal Hissatil Oula. Et d'ici, j'ai été, je suis revenu après Hissan, pour dire séance, mais là c'est plutôt, je pense, le cours. Donc après, ou la première période. Pourquoi es-tu revenu? Ibrahim Yakoul, Rajatu li annani marid. Je suis revenu car je suis malade. La bas, adhabta ila tabibi. Je vous dis, pas de mal. Es-tu allé au médecin? Chez le médecin, Ibrahim Yakoul, Naam Zabtu, oui, j'ai été. Huna, Kalimat al-Jadida, comme un coup, Al-Hissa, comme un fil, Kol Ibrahim, Bala, Zahabtu, Rajatu, Bad al-Hissa til-Oula. Donc, Al-Hissa, Hissa, souvent, pardon, te dire, tu vois, d'accord, c'est lundi. Hissa un tabib ou chakada, j'ai une séance chez le docteur par exemple. Mais là quand c'est l'école, je pense que ça doit être sûrement ou une heure de cours, Allah alam, ou alors la période, tu sais comme on était à l'école, t'avais la période du matin et celle de l'après-midi. Ou celle d'avant la première récréation du matin. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils ont voulu diviser Allah alam. En tout cas, Hissa c'est une période de temps. Naam. Il y a également Limada. Donc là, Limada dit, c'est harf jar. Voyez. Ma, c'est ism stifham, li aïn aqil, comme on apprend dans le kitab awel. Et za, ism shara. Donc ce serait pourquoi. Voyez, Limada, on traduirait par pourquoi. Et li annani, c'est le thème du ders, inshallah, donc on en parlera précédemment. Précédemment. Hein? Précédemment, après. Non, après, madame, à la suite. Tayyib. Tamarin, Ajib an asalat al-atiya. Réponds aux questions suivantes. Ça, inshallah, fait le bait. Au thani kadalik. Donc, ça kuna kala daymen. Al-awwal al-thani, daymen, huma fait le bait. Et le thani, c'est pareil, c'est corriger des phrases qui sont correctes en mettant un trait devant, et celles qui sont fausses en mettant une croix. طيب ثالثا ضع في الأماكن الخالية فيما يلي الفعل ذهب وأسنده إلى الضمير المناسب. Donc il te dit de placer le fi'l ذهب dans les trous dans les phrases qui sont exposées et de mettre le ضمير qui correspond à la fin. أولا conjugue-moi le fi'l ذهب au ماضي. ذهبت. نعم. ذهبت. نعم. Dahabat. Comme la hada, reste dans l'ordre du mukhatab. Dahabta, dahabti. Dahabti. Dahabta. Non, tu l'as déjà dit. Dahabta, dahabti, dahabat. Rich. Dahabat. Ça, c'est pas mukhatab, dahabat. Dahabta, dahabti, dahabat. Prends le roi maintenant. Donc, Moufrad. Dahabou. Moufrad. Dahaba. Dahabet. Comment Moukhatab Jam? Dahabtoum. Naam. Dahabtounna. Naam. Dahabou. Dahabou. Dahabouna. La. Dahabna. Dahabna. Naam. Tayyib. Donc maintenant, dans les phrases, tu mets le fial avec le bon damir. الجملة الأولى الأولاد إلى الملعب ذهبوا نعم الأولاد ذهبوا إلى الملعب ils ont fait au terrain de jeu ملعب c'est un terrain de jeu un lieu de jeu donc là avec le mot جماعة ذهبوا ثانيا الطالبات إلى المدرسة ذهبنا نعم الطالبات ذهبنا إلى المدرسة les étudiants sont partis à l'école ثالثا المدرس إلى الفصل. المدرس ذهب إلى الفصل. نعم. المدرس. parti dans la classe. سيطر على la classe. أنا إلى المطار. ذهبت إلى المطار. نعم. j'ai été à l'aéroport. مطار. c'est l'aéroport. et sans med. مطار. c'est la pluie. خامسا. أختي إلى المطبخ. Non, ma soeur est partie à la cuisine, elle était à la cuisine. Matbar, c'est, voilà, on l'a pris déjà auparavant, cuisine. Aïna. Dahabta. Anta, non. Où as-tu été? Attendez, maintenant on regarde la phrase. El aouledou, zahabou, il est le malab. Par rapport à ce qu'on a appris auparavant, dans le kitab Awel, Anaouledou, Antu Alib Ali a dit les jumelas. Je veux que tu fasses lire l'ordre de cette phrase. Alors, Al-Aouled, Mubtada, Naam. Dahabou, Khabar, Ila, Hafjar, Naam. Mal'ab, Majoun. Ismajoun, Naam. Ahsante. Et également, puis l'aulad Zahabou, vous précisez en disant que Zahab, c'est un fil mardi, et Waoul Jama, c'est le fa'il. Damir, c'est le fa'il. Et à quoi tu dis le jumla ism fi'liya, khabar min l'aulad. Taïeb. Rabihan, sahih al-jumal al-atiya. Il veut que tu corriges les phrases qui sont exposées. Là, il a mis un damir, à savoir, est-ce que ce damir est correct ou pas. مثلا يقول الجمله الاولى ذهبت الى المستشفى يا محمد دونك est-ce que là c'est correct comme si dit est-ce que j'ai été au à l'hôpital au محمد ذهبت الى المستشفى يا محمد نعم ذهبت انت as-tu été à l'hôpital au محمد ويا c'est quoi ya aussi c'est حرف النداء نداء نداء ومحمد منادى منادى ثانيا امينه وفاطمه وزينب Raja'u min al-jami'a. Donc là, c'est comme si tu disais, Amina et Fatima et Zainab, ils sont revenus de l'université. Qu'est-ce que tu as fait ? Amina, Fatima, Zainab, Raja'na, min al-jami'a. Non, Raja'na, ma'an nun niswa. Jibla al-damir, wa'al-jama'a, il n'est pas bon, il faut mettre nun niswa. Wa'al-jama'a, c'est pour muzakkar. Zumala'i zahaba ila Mekka. C'est comme si tu disais, mes collègues, il a été à Mekka. Ou mes camarades. Non. Zumala'i zahabu ila Mekka. Non. Zumala'i zahabu ila Mekka. Mes camarades ont été à Mekka. Ana raja'ta min Riyad amsin. Comme je disais, moi, tu es revenu de Riyad hier. Ana raja'tu min Riyad amsin. Non. Ana raja'tu. Je suis revenu de Riyad hier. Maryamu وبناتها ذهبت الى جده. C'est comme si c'était Maryam et ses filles, elle a été à Jeddah. Maryamu وبناتها ذهبنا الى جده. نعم ذهبنا. Maryam et ses filles ont été, c'est-à-dire elle avec un S en français, à Jeddah. Ummi قال انا مريض. C'est comme si disait ma mère, il dit je suis malade. Ummi qalat ana marid. Naam. Marida. Ana marid. Il y a pas ici là. Naam, ma mère a dit je suis malade. Ou peut-être ouais, ana marida. Peut-être c'est la mère qui dit ça. Naam. Maintenant le fil mardi, il faut savoir que lorsqu'il est sur une négation, bin nafi, quand tu veux nier la, on va dire l'action, le nafi, tu le fais avec harf nafi, s'appelle ma. Taïeb, ma. Tu dis pas la zahabtu, tu dis ma zahabtu. Taïeb, fil mardi, tout le temps c'est avec ma. Avec ma, la négation a lieu avec ma harf nafi. Par exemple, tu dis e zahabta il mustashfa. T'as coulé là, ma zahabtu le mustashfa. Et non pas la zahabtu le mustashfa. T'as dit, ça c'est une erreur, faut pas dire la, faut dire ma. Donc là, il veut que tu mettes ce ma dans les phrases qui suivent. Comme il dit, khamisan, adib an asidatil atiya bin nafi mustamalan ma. Donc réponds aux questions suivantes avec une négation en utilisant ma. Awalan, e zahabta il est maintenant sorti. Ams, as-tu été à l'école hier? La ma dhabtu ilayha. Il est? Ilayha, naam. Donc, non, je n'y ai pas été. Là, quand on dit la ma dhabtu, le la revient à quoi? Par rapport au hamza l'istifham. A dhabta, la. Après, tu dis ma dhabtu. Thanian. A raja'a abouka min Baghdad. Est-ce que ton père est revenu de Bagdad? La ma raja'a. Non. Non, il n'est pas revenu. A zahabat ukhtuka ila al-mustashfa. Est-ce que ta sœur a été à l'hôpital? La ma zahabat. Non, non, elle n'a pas été. Taïb, regarde comme dans le texte, on avait pris quoi? Une formule de istifham. C'est limaza. Pourquoi? Et le limaza, il a besoin d'une réponse. Et cette réponse, ça commence par quoi? Par li anna. Tayeb li anna. Awalen fi li anna. Savoir que le li là, c'est quoi? C'est harfoja. Le même que ada li Mohammed. Ada li fulan. Tayeb, le lem là, c'est lem harfoja. C'est le même que celui qu'on a pris en kitab awal. Fi le milk. Au ta'lil ou ghayr zalika. Et en fait, c'est un assemblage entre le harfoja et anna. Et Anna, comme on dit, min akhawat Inna. Anna fait partie des sœurs de Inna. Donc elle fait le même travail. C'est-à-dire que elle leur remonte sous le nom qui vient derrière, Ism Anna, et ce qu'on khabar, ce sera ma foi. Par exemple, tu dis, limaza ma, comment on dit dans le texte, comme on dit dans le texte, il a dit, limaza رجعت أي يوسف يقول لماذا رجعت pourquoi es-tu revenu إبراهيم يقول رجعت لأنني مريض il dit je suis revenu parce que je suis malade donc après on va faire comme avec أنا quand c'est أنا tu vas dire أنني quand c'est هو tu vas dire أنه quand c'est هي tu vas dire أنها il est ذلك sauf que avant ça on met لي donc tu vas dire لأنني لأنه لأنها لأنك لأنك et ainsi de suite c'est la même chose par exemple il dit lui لأن زائد هو يساوي لأنه si tu ajoutes هو à لأن ça va être quoi لأنه لأن زائد هي يساوي لأنها لأن زائد أنت سيقول لأنك مثلا رجع حامد من المدرسة لأنه مريض حامد revenu de l'école car ou parce qu'il est malade on peut dire car aussi رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة آمنة est revenue de l'école parce qu'elle est malade رجعت من المدرسة أي أنا لأنني مريضة mais là apparemment c'est une femme qui parle je dis مريضة quand tu dis مثلا رجعت من المدرسة لأنني مريض لا أين اسم أن لأنني مريض أين اسم أن وأين خبر أن اسم أن سني سليا فقط يا متكلم الخبر سي مريض نعم مريض et c'est quoi la différence entre inna et anna c'est que inna tu l'emploies en début de phrase directement vous voyez inna muhammadan rasulullah مثلا alors que anna tu vas l'utiliser en cours de phrase et ce sera souvent traduit par que par exemple tu dis ashhadu anna muhammadan rasulullah on traduit par que. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils ont mis des exemples avec des damaïr. Mais si tu prends ism vahir, un nom apparent, ça va être pareil. Il va être mansoub. Comme on a dit là, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc là, muhammadan, il est quoi? Ism anna. Wa rasul khabar anna. Et il est mudaf. Oui, Allah jalala Allah mudaf ilay. Sinon, ça s'appelle pareil. Harf, nas, motokid. Comme inna. Juste comme je dis la différence, c'est que inna en début de phrase et anna est en cours de phrase. Également, kafikul ta'ala, zalika bi anna Allah wa al-haq wa ma ya'buduna min duni wa al-batil. Et ceci, car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Bi anna Allah. Voyez, là, Allah jalala, Allah, c'est le ism anna. Donc il est mansoub. Et dans le Coran, tu vas trouver beaucoup également. C'est parmi les lettres très, très employées. Sabi'an. Vous avez compris anna? Non. Non. Donc si on regarde bien, parmi Inna, on a pris quoi? Enfin, Khulasa, on a pris Inna, Haf Turkis, Tokid, Wanasb, Inna Muhammadan, Masalan, Rasulullah. On a appris la Kinna, c'est Harf, Nasb, Westidrak, Masalan, Zaydun, Kabirun, la Kinnahu, Daif. On a appris Ka'anna, ça c'est Harf Nasb, Wattashbih, pour faire une ressemblance. Tu dis كَأَنَّ مُحَمَّدًا مثلاً أَسَد c'est comme si Mohamed était un lion par rapport à Shuja'a tu fais une comparaison par rapport à courage on a pris quoi exactement on a pris لَعَلَّ tu vois لَعَلَّ لِلْتَرَجِّي pour les choses qui est possible et qu'on espère ou لِشْفَاق pour les choses que l'on craint par exemple tu dis لَعَلَّ مُحَمَّدًا بِخَيْن tu vois il se peut qu'il soit en bonne santé ou on espère qu'ils soient en bonne santé, ou ça peut être le contraire, on craint, enfin non, je dirais plutôt la Allah Mohammedan Marid, on craint qu'il soit malade, par exemple. On a appris également aujourd'hui Anna, voyez, Anna avec Harf Jar Li, la Sainte Akoul, Limaza. لماذا مثلا جئت الى دمج pourquoi tu viens à Dammaj تقول لانني اريد ان اطلب العلم parce que je veux étudier la science طيب لانني اريد ان اطلب العلم parce que je veux rechercher la science donc je pose une question avec لماذا tu réponds avec لان et après en fonction de celui à qui on parle, tu vas utiliser Damir qui correspond. Damir Moutassil. Ou ça peut être aussi un isme Zahir, un nom apparent. Ça dépend de la phrase. En tout cas, le isme qui vient après Anna, il est Mansoub. C'est isme Anna. Et il reste encore un parmi Khawat Inna, c'est Leïda. Et il viendra plus tard, Inch'Allah. Sabian, Ikra al-Mithal. Thumma ajib an asilat al-atiya bi na'am aw bala. Donc il dit, lis les exemples suivants et répond aux questions en utilisant na'am, c'est-à-dire oui, ou bala, si ou en effet. Mathalan, a zahabta ila al-madrasati amsi, as-tu été à l'école aujourd'hui? Na'am zahabtu, oui j'ai été. Ama zahabta ila al-madrasati amsi, n'as-tu pas été à l'école hier? Bele, zahabtu, si j'y ai été. Vous voyez, on avait dit quoi, bele, quand est-ce qu'on emploie? Lorsque c'est une question, vous voyez, qu'il y a une forme négative, mais dont on veut une affirmation. Vous voyez, Joël Oula, Raja Abouka Nesouki, est-ce que ton père est revenu du marché? Naam, Raja. Naam, oui, il est revenu. Ama Raja Abouka Nesouki, ton père n'est-il pas revenu du souk? Bele, Raja. Naam, si, il est revenu. Zahabat Leila, il est Jamia. Est-ce que Leïla a été à l'université? Naam, Zahabat. Naam, Zahabat, oui, elle a été. Ama Zahaba Akhouka il est à Riyad. Ton frère n'a-t-il pas été à Riyad? Bala, Zahaba. Naam, Bala, Zahaba. Aïe. Ce cours, il était court, Inch'Allah. On va s'en contenter. C'est une occasion pour pouvoir mieux assimiler ce qui a été passé auparavant. Ça passera plus de temps. Un ex-Souel? Là. Là? Emma, un n'a qu'à Souël. La Marine dit Souël. On a connu la Ouda, alhamdoulilah, Rabbil Alamin.